une instruction qui deviendra la nouvelle voie de l'homme, c'est-à-dire la nouvelle façon de l'homme de voir les choses. Donc, il n'y aura plus de philosophe, il n'y aura plus de métaphysicien, il n'y aura plus d'homme qui pense. Et lorsque l'homme entrera en contact avec d'autres hommes qui viennent d'autres planètes, à ce moment-là, les deux ne pensant plus, il n'y aura plus de conflit entre les deux, donc les deux pourront communiquer par télépathie. Les deux se comprendront parfaitement. Et les deux, selon la gestion de leurs affaires et la correspondance qu'ils ont l'une envers l'autre, qui fera toujours partie de l'intelligence créée par l'énergie, établira des liens entre la planète Terre et d'autres planètes dans la galaxie, et l'homme pourra commencer pour la première fois à voyager dans le temps. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis beaucoup plus heureux d'être parmi vous que vous ne pouvez vous imaginer. Je suis beaucoup plus heureux d'être parmi vous que vous ne pouvez vous imaginer. Parce que être parmi vous, ce n'est pas être parmi des hommes. C'est être parmi des êtres. Et il y a une très grande différence pour moi d'être parmi les hommes et d'être parmi les êtres. Parce qu'un être, c'est un homme qui évolue. Tandis qu'un homme, c'est un homme qui évolue très lentement. Donc, si je vous dis que j'aime beaucoup être parmi vous, c'est parce que je sais que je pourrais vous dire beaucoup de choses et qu'étant parmi vous, ça me donnera l'occasion de détruire la mémoire de l'humanité. Si j'étais seul, je ne pourrais pas détruire la mémoire de l'humanité. Mais en étant parmi vous, je peux le faire. Parce que pour que je détruise la mémoire de l'humanité, il faut que quelqu'un m'écoute parce que moi, je ne peux pas penser. Donc, il faut qu'il y ait au moins dans la vie, qu'il y ait au moins une personne, qu'il y ait un être. Il faut qu'il y ait un être ascendant pour un être descendant. S'il y en a plus, c'est encore plus merveilleux, mais il faut qu'il y en ait un. Et s'il y a un être ascendant pour un être descendant, à ce moment-là, l'être descendant peut détruire la mémoire de l'humanité. S'il est seul, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas penser. Donc, ce serait absolument inutile pour un être descendant de venir sur une planète où il saurait que l'évolution n'est pas possible. Et si un être descendant venait sur une planète et savait que l'évolution n'est pas possible, la planète serait détruite. Parce qu'elle ne servirait plus. Donc, là où il y a un être descendant sur une planète, il y a toujours évolution possible. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu constamment des êtres qui sont venus sur la planète pour empêcher que se détruise la planète. Et les textes anciens sont très précis quand ils disent « s'il y a un juste, la planète est sauvée ». Parce que s'il y a un juste, il y a une capacité pour l'être descendant de détruire la mémoire de l'humanité et refondre l'humanité, la reconstituer. Et lui redonner les outils dont elle a besoin pour vaincre ce qui l'a rendu humaine, c'est-à-dire les forces luciférines. De l'autre côté, au rythme où j'avance et au rythme où je travaille, j'aime sentir que les gens approfondissent ce que je dis et apprennent de plus en plus à comprendre ce que je dis. C'est pourquoi je mets beaucoup de poids et beaucoup de prix dans la nouvelle organisation de diffusion que j'ai formée, parce que moi, j'aime beaucoup parler, mais il y a un point où j'aime à parler à un autre niveau. Et à ce moment-là, ça n'empêchera pas les autres personnes, le grand nombre, de continuer à évoluer et à de comprendre et à raffiner ce qui n'est pas toujours facile à comprendre à travers la bouche de ceux qui peuvent vulgariser ce que j'ai déjà dit. Même si je vous dis, ah, vous souffrez, découragez-vous pas, ça va s'arranger. Je suis obligé de vous parler comme ça parce que je ne peux pas vous dire, bon, mais ça va s'arranger dans 3 mois ou ça va s'arranger dans 7 mois. Mais ce que je veux vous expliquer et essayer de vous faire comprendre, c'est que un homme qui est dans un état de fusion est un être qui a un pouvoir quelconque. Et ce pouvoir doit être utilisé par les hommes. Il doit être utilisé. Il doit être utilisé d'une façon suffisamment parfaite pour qu'il serve. Et c'est pourquoi je vous dis que la mémoire que je vous donne, toute l'information que je vous donne, essayez de l'utiliser. Alors, si vous êtes dans un creux, ça va très mal. Et que vous savez que je vous ai dit que tout s'arrange. Attendez. Ça ne veut pas dire de ne pas faire pour que ça s'arrange plus vite. Mais si tout vous est barré, surtout quand tout vous est barré, quand il n'y a plus d'issue, c'est là qu'il y a une issue. Rappelez-vous, quand il n'y a plus d'issue, c'est là qu'il y a une issue. Mais l'issue qu'il y a n'est plus psychologique, elle devient vibratoire. Autrement dit, vous avez l'opportunité de vivre deux issues. Vous pouvez vivre l'issue sur le plan psychologique et vous pouvez vivre une issue sur le plan vibratoire. Mais l'issue sur le plan vibratoire est beaucoup plus douloureuse que l'issue psychologique. Parce que l'issue sur le plan vibratoire, elle est issue du contact entre le double, le travail qu'il fait sur vos corps. Et c'est le plus bel issue, c'est le plus difficile. Là, vous serez réellement encintré, mais là, vous aurez accès à votre liberté. Donc, si vous vivez cette situation où il n'y a pas d'ouverture, et qu'elle est vibratoire, cette situation, vous la sentez qu'elle est vibratoire et non psychologique. Psychologique sera suivie du vibratoire. Mais si elle est vibratoire, à ce moment-là, attendez. Et vous verrez que très peu de temps après, les énergies se rétabliront et vous continuerez, et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison qui vaille que vous vous découragiez avec ce que vous savez. Que vous manquiez de force, en apparence, oui, mais que vous vous découragiez au point de perdre le contrôle de votre intelligence et de votre volonté, non. Si vous ne perdez pas le contrôle de votre intelligence et de votre volonté, si vous ne perdez pas, autrement dit, le contrôle de vous-même sur un autre plan, autrement dit, si sur un autre plan, il y a suffisamment de contrôle de vous ici, vous serez très bien. Mais il faut que vous preniez en considération ce que je vous ai dit au cours des années passées. Ce n'est pas la chose de croire ce que je vous ai dit, c'est de regarder ce que je vous ai dit. De temps à autre, il y a des interventions, il y a un support psychologique que vous donnez si vous avez de très, très grandes souffrances, comme la jeune fille qui était venue à un séminaire une journée qui avait des maux, des migraines pendant des années, des années, des années, 6 années de migraines, c'est très dur. J'ai dit dans 3 mois, ça va commencer à diminuer. Et effectivement, ça commence à diminuer dans 3 mois. Mais j'ai dit, il faut que tu fasses une chose, il faut que tu te lèves de ton lit. Pouf, lève, marche, grouille. Et ça commence à diminuer. Mais je ne peux pas suivre tout le monde, je ne peux pas être en contact avec les problèmes de tout le monde. Je ne suis pas un homme à faire du bureau. On est beaucoup plus grand que l'on pense. Mais on a tous des règles de mesure qui manquent quelques pouces. Il y en a qui ont plus que 12 pouces, il y en a qui ont moins que 12 pouces. Rares sont ceux qui ont 12 pouces précis. Alors il y en a qui doivent raccourcir la mèche, d'autres allonger la mèche. Je vous donne Croteau. Je vous donne Croteau. Servez-vous-en de Croteau. Mais servez-vous-en bien pour ne pas l'épuiser. Ensuite, je vous en donnerai d'autres. L'homme est très riche en ressources. Nous sommes très riches en ressources. Je ne veux pas aller jusqu'à exploiter le domaine de mon intervention dans les activités de l'art, mais je sais que j'ai une part suffisamment vaste dans l'activité de l'homme. Je vous invite aussi à prendre en considération le petit endroit qu'on a choisi ou que les amis là-bas ont choisi dans le nord. Un jour, vous aimerez bien là vous asseoir et vous amuser, relaxer chez vous. Mais il faut que ces gens-là soient aidés dans leur démarche. Ils ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut être réaliste. Mais les gens ont la manie, la tendance naturelle d'attendre pour voir si ça va marcher. C'est bien beau attendre pour voir si ça va marcher. Mais en attendant, c'est toujours l'homme qui manque de quelque chose. Ne vous faites pas fausser la vision des choses par votre mémoire. Votre mémoire est tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, votre mémoire. Vous êtes mémoire. Et petit à petit, vous êtes autre chose au fur et à mesure que vous la perdez.